expérience. Devrais-je hésiter encore, entrer en transe? Ce que tu me faisais était plus qu'immense. Alors oui, je me donnerai dans la démence. Du moment que j'ai perdu tête et que je m'envole dans la nuit fauve, tu seras l'heure de la fête, la goutte d'alcool, de perdre contrôle. Je vais mettre de la fureur et de la terreur dans toutes les nuits. Je serai celle qui t'affole, j'aurai un rôle si tu en as envie. Et si ce que tu me faisais était plus qu'immense, alors oui, je me donnerai dans la démence.